m'a toujours dit qu'en chantant avec son cœur, on faisait chanter le monde. Et je crois bien que c'est vrai, car dès que je chante cet air-là, je ne sais pas très bien pourquoi tous les enfants chantent avec moi. En travaillant, en s'amusant, et quelquefois même en dormant, tous les enfants chantent avec moi. Je les entends reprendre en chœur, et j'ai un petit coup au cœur quand les enfants font la la la. Je me revois comme autrefois sur les bancs de mon école, c'est la fête autour de moi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je me revois comme autrefois sur les bancs de mon école, c'est la fête autour de moi. Si je fredonne cette mélodie en fa, en sol ou même en mi, tous les enfants font la la la. Sous le grand soleil du midi ou même les pieds dans la pluie, tous les je le t-